Chapitre 5. Le chevalier rentier. Trois jours après, le chevalier d'Arsac fit sa joyeuse entrée dans son magnifique hôtel du boulevard Suchet, entre une double haie de laquais inclinée sur son passage. Dès le soir même, notre Gascon était tout à fait habitué à son nouveau genre de vie. Il commandait comme un prince et était obéi comme un roi. Il était satisfait de lui et de son personnel. Il rédigeait lui-même ses menus et faisait bombance. Inutile de dire que son inséparable M. Poirotteau l'avait suivi sur le chemin de la fortune avec autant de fidélité que sur la route des aventures. « César, lui dit le chevalier, vous le voyez, mon étoile s'élève au firmament comme je l'avais toujours prévu. Puisque je monte en grade, j'ai trop le souci de la justice pour ne pas vous entraîner dans mon orbe. À partir de ce jour, vous n'êtes plus un domestique subalterne. « Ah, monsieur le chevalier, désormais, vous serez mon intendant. Et, monsieur le chevalier, me permettez-vous une question ?»« Certes. Me paierez-vous mes gages ? Ne les ai-je pas toujours payés, César ?»« Jamais, monsieur le chevalier. Jamais, c'est un simple oubli que je vais réparer sur l'heure. Combien vous dois-je ? 131 973 francs 35 centimes. Très bien, je vais vous payer ce petit arriéré. » Notre Gascon fit résonner une sonnerie électrique. Un laquais parut. Faites venir mon majordome, ordonna-t-il. Un instant après, un gros homme obséquieux vint s'incliner devant le chevalier. C'est vous, mon majordome ? Demanda le Gascon. Oui, monsieur le comte. « Très bien. Vous allez payer à M. Poirotteau ici présent la somme de 131 000 francs. »« 973 francs 35 centimes, » rectifia respectueusement M. Poirotteau. « 132 000 francs tout rond, » reprit le chevalier. « Que monsieur me pardonne, » balbutia le majordome, « mais je ne dispose pas pour l'instant de cette somme. »« Bien, prenez vos dispositions pour l'avoir ce soir. » « Vous pouvez vous retirer. » Le majordome s'inclina très bas et sortit. Et le chevalier, ayant congédié César, se retira dans son boudoir. Deux jours après, l'homme mystérieux qui avait dit se nommer M. Messager vint trouver le chevalier. « Êtes-vous satisfait de votre installation, monsieur le comte ? » demanda-t-il au Gascon. « Oui, répondit celui-ci, jusqu'à présent je n'ai pas à me plaindre. » « J'en suis bien aise, monsieur le comte. Si vous le voulez bien, demain, je vous conduirai à l'hôtel de madame votre mère. »« De ma mère, monsieur ?»« Mais oui, de madame la comtesse de Beaulieu. »« Ah, c'est vrai, Mordius, je l'avais oublié. »« À demain, monsieur le comte. »« À demain, monsieur. » Le soir même, en pénétrant dans son cabinet pompeusement appelé « cabinet de travail », dans lequel le chevalier ne travaillait du reste jamais, Darsac trouva sur un pupitre une missive à son adresse, mais non timbrée. Il constata que l'enveloppe portait d'énormes cachets, dont le sceau représentait un poignard entouré d'éclairs, sans initiale ni inscription. Il ouvrit et en retira une lettre, dont la lecture lui fit pousser des jurons d'apparat. Cette lettre était ainsi conçue. « Monsieur, vous avez pris la place et le titre du comte Louis de Beaulieu dans un but inavouable. En agissant ainsi, vous ignoriez sans doute que vous défiez une association puissante qui, tôt ou tard, vous frapperait dans l'ombre. Nous vous sommons de renoncer à votre imposture et nous vous accordons 24 heures pour abandonner vos prétentions. Si, dans ce laps de temps écoulé, vous n'avez pas obéi, vous pourrez vous considérer condamné par notre haute cour et vous préparer à la mort. Les compagnons de la Sainte Vème. » Le chevalier rejeta avec fureur la lettre sur le pupitre et sonna le valet de chambre. « Qui donc a eu l'audace de déposer cette lettre dans mon cabinet de travail ?» demanda Darsac. « Je l'ignore, monsieur le comte, mais si monsieur le comte veut bien me l'ordonner, je vais me renseigner. »« Oui, faites vite. » Quelques instants après, le domestique vint déclarer qu'aucun membre du personnel n'avait déposé de lettre dans le cabinet de Monsieur le Comte. « Voilà une maison mal tenue !» s'écria le comte. « Comment ? Des étrangers pénètrent ici sans qu'on le sache, que le fait ne se reproduise plus. Vous pouvez vous retirer !» Le valet s'inclina et se retira. « Mordius, dit le chevalier, quels sont ces fumistes ou ces gens mal intentionnés qui ont l'audace de se frotter au chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac, comte de Savignac ? Les compagnons de Sainte-Vème, quelle est cette mascarade ? Il me semble en avoir entendu déjà parler. » Le chevalier sonna et fit venir son majordome. « Il y a longtemps que vous êtes à Paris ? Lui demanda-t-il. « 18 ans, monsieur le comte. Avez-vous déjà entendu parler des compagnons de la Sainte-Vème ?» Le majordome ne put réprimer un mouvement de terreur involontaire. « Dites-moi, continua le chevalier, ce que sont ces gaillards-là. J'ai voyagé à l'étranger et ne suis ici que depuis le 6 de ce mois. J'ignore donc les nouvelles d'Europe. » Le majordome se tourna vers la porte comme s'il eût craint qu'une oreille indiscrète ne l'eût entendu. « Parlez donc !» dit le chevalier. « On ne sait exactement, dit le majordome, qui sont les compagnons de la Sainte-Vème dont l'existence n'est révélée que par leurs crimes. Ce sont, dit-on, des bandits mystérieux et redoutables que la police recherche depuis plusieurs années déjà et qui lui échappent sans cesse. » Est-ce possible, avec une police organisée ? Que monsieur le comte veuille bien me permettre de lui faire remarquer qu'il est fort malaisé de saisir des bandits invisibles qui frappent dans l'ombre et ne laissent d'autres traces de leur passage qu'un poignard fiché dans le cœur de leur victime. La police doit lutter contre une société secrète, formidablement organisée, dont aucun membre ne lui est connu. Malgré toute sa vigilance, les victimes ont été frappées de façon la plus inattendue et la plus accidentelle, sous les yeux même des limiers qui les surveillaient et les protégeaient. Mais comment des faits semblables peuvent-ils se produire au XXe siècle ? Que monsieur le comte me permette de lui donner quelques exemples. Une de ces victimes protégée par la police est morte empoisonnée après avoir bu un verre de vin venant de sa propre cave. Une autre a été écrasée dans un embarras de voiture. Accident, dit-on d'abord. Mais il y avait dans cette série d'accidents de telles coïncidences et que l'on eut la conviction que ces accidents avaient été machinés par les compagnons de la Sainte-Vème. Souvent aussi, ces meurtriers invisibles sont plus expéditifs et l'on trouve un homme étendu dans un carrefour, le cœur percé du poignard de la Sainte-Vème. « Et que signifie cette Sainte-Vème ? » demanda le chevalier. « Si monsieur le comte le désire, je pourrais aller lui chercher un journal que j'ai conservé parce qu'il relatait un crime et qu'on y parlait de cette association terrible. Montrez-moi donc cet article. » Le majordome se retira et reparut peu après avec un quotidien. Le chevalier le parcourut. Il eut la description d'un crime étrange. Un banquier très connu avait été trouvé chez lui sans que le meurtrier eût laissé la moindre trace de son passage. La victime avait eu le cœur percé par un poignard dont la poignée portait cette inscription « Sainte-Vème ». Le journal reproduisait ensuite quelques notes relatives à cette association qui semait la terreur. Le chevalier lut notamment « On ne sait pas qui sont » ni ce que sont les compagnons de la Sainte-Vème, pour la plus simple raison qu'aucun de ses membres ne s'est dévoilé jusqu'à ce jour. On suppose avec raison qu'il s'agit de membres d'une association occulte. Mais on ignore quel rapport existe entre cette société moderne et les anciennes cours de la Sainte-Vème. On sait que la Sainte-Vème, ou tribunal des francs juges, comme on l'appelait aussi autrefois, était un tribunal secret dont la puissance était très redoutée au XVe siècle et qui réprimait les abus des seigneurs et des chevaliers brigands. Vème est un mot qui dérive de femen et qui signifie condamner, bannir. Le but de la Sainte-Vème était de maintenir la paix publique et la religion. Les membres de ces tribunaux, dits francs juges, s'enveloppaient du mystère le plus profond et avaient dans plusieurs pays d'Europe des initiés qui leur déféraient les coupables. Tout adepte était tenu d'exécuter le jugement dès qu'on l'en chargeait. Souvent aussi, les juges étaient eux-mêmes les exécuteurs de leur sentence. Le condamné était frappé par une main inconnue, son cadavre était pendu à un arbre dans lequel on fichait un poignard, signe de la vengeance de la Sainte Vème. L'origine des cours vémiques paraît remonter au temps de Charlemagne, mais elles ne prirent d'importance qu'à la fin du XVIe siècle. Ces tribunaux, après avoir réprimé les exactions des seigneurs et des bandits, donnèrent lieu à leur tour aux plus grands abus. Au XVe siècle, les empereurs Sigismond, Albert, Frédéric III travaillèrent à la combattre. On n'en entendit plus guère parler au XVIe siècle, quand Charles Quint rendit l'ordonnance caroline qui réformait la jurisprudence. Cependant, au cours des siècles, on signala des crimes mystérieux commis par des mains inconnues et qui semblent rappeler les arrêts des francs juges. On y retrouve le poignard, signe de la vengeance vémique. « Ouais, » dit le chevalier quand il eut terminé sa lecture, « je vois ce que c'est. Des bandits inconnus profitent du mauvais renom de la Sainte Vème. Mais si, mordius, ils se frottent jamais à un homme de la trempe du chevalier d'Arsac, du comte de Beaulieu, veux-je dire, ils trouveront à qui parler. » Il fit signe au majordome qu'il pouvait se retirer. Resté seul, il se dit « Par les cornes du diable, je crois que mes bandits sont ceux qui ont tyrannisé le malheureux monsieur Corbier. Vive à Dios, en ce cas, je les tiens. » Et il rappela son majordome pour lui dicter un menu soigné. Cette histoire de la Sainte Vème lui avait ouvert l'appétit. Le lendemain, monsieur Messager vint dire au chevalier que madame la comtesse, sa mère, était souffrante. La visite qu'il dut lui rendre fut différée. Notre Gascon avait oublié la missive qu'il avait reçue la veille lorsque, en pénétrant par hasard dans son cabinet de travail, il eut la surprise de trouver un poignard fiché dans son pupitre à l'endroit où la lettre mystérieuse avait été déposée la veille. Il fit appeler son majordome. « Qui donc a l'audace, lui dit-il, d'utiliser mon pupitre pour y mettre des boutures de poignard ?» Au lieu de répondre, le majordome recula en roulant des yeux effarés. « Eh bien, qu'avez-vous ? » lui demanda sévèrement le chevalier. Le majordome montra du doigt la poignée de l'arme sur laquelle étaient inscrits en caractères dorés ces trois mots, « la Sainte Vème ». « C'est la menace des francs juges » balbutia-t-il d'une voix tremblante. « Ce poignard fiché dans le bois, monsieur le comte, c'est une déclaration de guerre !»« Ah ah !» s'écria le chevalier, les yeux flamboyants de colère. « Ah, c'est une déclaration de guerre ? Eh bien, voici ma réponse !» Et arrachant d'une panoplie de son cabinet une ancienne rapière d'une longueur démesurée, il la cloua dans le pupitre à un doigt du minuscule poignard.